Celui qui épouse une femme épouse aussi ses caprices. Obligé. Hey, hey, Washiwa. Washiwa. Hey, hey, Washiwa. Échauffement, échauffement, échauffement, échauffement, échauffement, étirement, étirement, étirement. Allez, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka. Mon cher, on va travailler ici. Attends, tu vas voir. Ça c'est baiement, tu passes jamais pas. Oya décoller, décaler, décoller, voilà, décaler, décoller ma. Oya couper, couper, couper. Allez décoller, décaler, décoller, décaler ma. Chaque jour son rôle et disparaît. Reviens mon amour. La famille va rien chérie. Tu m'as troublé oh. Tu m'as troublé mon amour. Je suis à toi. Bédé n'olo. Eyebam. Didon oh. Ewamo. Gouroli. Maïve. Toula mousso. Iko kadine. Kere nyono. En bon main. Chérie, tu m'as troublé, oh, tu m'as troublé, mon amour, je suis à toi. Baoulé bleu, mi-chloro, Apollo allait, mi-chloro, Annie bleu, mi-chloro, Abbé Youro, mon colofo, Yakuba Debo, et donne que la famille voit rien, chérie. Je suis devenu un cabri mort. Je n'ai plus peur de couteau. Mon nom est devenu Koulaba. Pourquoi ma chérie? La famille voit rien chérie. Tu m'as troublé oh. Tu m'as troublé mon amour. Je suis à toi. Hey hey Washiwa. Washiwa. Hey hey Washiwa. Washiwa. Hey hey Washiwa. Washiwa. Hey hey Washiwa. Étirez-moi. Allez, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka, fouka. Allez, tchakabota, fouka, fouka, tchakabota, fouka, fouka. C'est toi la famille ivoirienne. On use Mambélé à chanter pour toi. C'est pourquoi on a coupé, c'est pourquoi on a décalé. C'est pourquoi on a coupé, c'est pourquoi on a décalé. Décalé, décollé, décalé, décollé, décalé, décollé, décalément. Décalément, décalément. Travailler sans voler, décalément. Petit chinois, hein, hein. Touré, Yamana, soupa, gâtir, caboche, barro, pâché, bamenema. On a ma souvenir, ni boule, goutte, braille, kata, ni goutte, braille, kata, tu es un braille, kata, kata, kata, a braille, kata, kata, kata, a dans la mêlée, man, j'ai braille, kata. Bagata kuka kubish, bagata man, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois. Sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. Dina, Dina, Dina, Dina. Oh, oh, DJ Serge, MC Ramsey, on est Mambélé, la famille ivoirienne, oh, oh, tout le monde est ma quelle pas, ma quelle. On va maîtriser. Démarcher. Il est rentré en cabane. Il est ressorti en Djandjou. Il est rentré en cabane. Ressorti en Djandjou. Tout le monde croisé les mains pas devant. Croisé les mains pas derrière. Tout le monde est pas Guantanamo. Guantanamo. Tout le monde est pas Guantanamo. Guantanamo. Tout le monde est pas Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo. Dida. Oh, au milieu. Eh, eh, eh. Avec les rêves. Omoli Dida hein, au milieu hein, hein, ouais. Kata pam pam, so mouton, so dendon, so cabri, so chameau. Tout le monde va étirer ma hein. La famille va rien chérie. Tu m'as troublé oh, tu m'as troublé mon amour. Je suis à toi. La famille va rien chérie. Là où chacun joue son rôle et disparaît, reviens mon amour. La famille va rien chérie, tu m'as troublé oh, tu m'as troublé mon amour, je suis à toi. Baoulé bleu, Miklore, Apollo allez, Miklore, Annie bleu, Miklore, Abbé Youro, mon colofo, Yakuba Debo. Chérie, tu m'as troublé, oh, tu m'as troublé, mon amour, je suis à toi. Bete ngono, eyebem, didango, eyamo, kuroli, maive, djula mousso, ikokadine, kere nyono, ombome. La famille va rien, chérie. Je n'ai plus peur de couteau. Mon nom est devenu Koulaba. Pourquoi ma chérie? La famille va rien chérie. Tu m'as troublé oh, tu m'as troublé mon amour. Je suis à toi. Tout le monde va s'envoler man. Tout le monde va moulare, moulare, moulare. S'envoler man, tapis volant. Équilibré, équilibré. Oui, a fouetté. Sangi, boro sangi, boro sangi, boro sangi, boro sangi, bororo, bororo, bororo, bororo, bororo.